Du cinéma encore avec Nathalie Cooper qui est avec nous ce dimanche. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la coordinatrice générale, je crois que c'est votre titre, du Festival international de court-métrage qui s'appelle Paris Court-Devant. Comment on dit, chaud devant ? Chaud devant, alors ce serait plutôt le piment qui est chaud, qui a du goût. Parce que c'est le symbole qui, le symbole du festival est en effet un piment, parce qu'un piment, ça a du goût. Donc c'est la 12e édition de ce festival, si je ne me trompe pas, qui a lieu en ce moment au MK2 Bibliothèque et à la Bibliothèque nationale de France. Exactement, oui. Voilà, et c'est jusque mardi prochain, jusqu'au 6 décembre. Jusqu'au 6 décembre. Alors 3600 films, c'est ça ? On en a reçu 3700. C'est impressionnant. Exactement, c'est impressionnant. Ouais. Quand on a créé le festival il y a 12 ans, on en a reçu 20, sélectionné 18, là, ouais. 3700, 110 en compétition officielle. Ouais. Il y a eu du chemin. Alors, un court-métrage, c'est quoi ? C'est un film de combien de minutes ? Ça va être Alors, un court-métrage, techniquement, c'est un film qui fait jusqu'à 59 minutes, moins 59 secondes, ouais. Moins d'une heure. Ouais. Mais nous, on a décidé de s'arrêter à 26 minutes. Voilà. D'accord. Après, c'est un petit peu. Alors, il y a des courts-métrages, on va en parler tout de suite, des web-séries aussi ? Exactement. Ouais. On parle du format court, d'accord. De tous les formats courts. D'accord. On parle aussi de. On a montré notamment ce matin des films en réalité virtuelle. D'accord. Voilà. Et puis alors j'ai vu des scénarios vivants. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ben, les scénarios vivants, ils sont vivants parce qu'ils sont lus par des comédiens. D'accord. Ils sont mis en musique. Mmh. Et ce sont des scénarios qui n'ont pas encore. Été tournés, et qui sont présentés devant des producteurs, des diffuseurs. Il y a un prix France Télévisions à la clé. D'accord. Et donc on espère justement qu'à la suite des lectures de scénarios, ils vont être réalisés. Et en général, c'est ce qui se passe. Alors j'ai vu qu'il y avait un pays invité cette année, c'est la Belgique. C'est la Belgique, voilà. C'est la journée belge aujourd'hui. Voilà. On est en plein dedans. Ils sont bons en court-métrage, les Belges ? Ben, ils sont très bons. Ouais. Il y a énormément de court-métrages belges. Et, à fond les Belges, j'ai vu. À fond les Belges, c'est la séance un peu, vraiment l'humour belge. D'accord. Déjanté. Déjanté, voilà, parce que voilà, je vois des images là, en effet. Ouais. Xavier Serron fait des films assez déjanté. Ouais. C'est un réalisateur belge. Ouais. Et la Belgique aussi, parce qu'il y a beaucoup de coproductions, en fait, franco-belges. Alors, on parle souvent des longs-métrages, mais le court-métrage, c'est un style, un format, je dirais, un peu délaissé, parfois un peu méprisé, même par les distributeurs. Ben, en fait, il y a des distributeurs de court-métrages. Ouais. Maintenant, le court-métrage, ça fabrique pas d'argent. Ouais. Mais c'est un passage quasiment obligé quand vous pensez aux plus grands réalisateurs. Tous les grands sont passés par le court-métrage. Ouais. Pratiquement, oui. Mmh. Ben oui. Et c'est important parce que c'est un espace de liberté fabuleux. Oui, c'est ça. On est beaucoup plus libre parce que ça coûte moins cher. On est libre, ça coûte moins cher. Il y a beaucoup de. Nous, on montre aussi des films autoproduits, ouais. Il y a aussi des films d'école de cinéma. On fait des tentatives dans le court-métrage. Mmh. Alors, j'ai vu que vous étiez comédienne. C'est de là que. Je l'étais. Vous l'étiez. C'est de là que vous vient cette passion pour le cinéma, j'imagine, évidemment, et pour le court-métrage en particulier. Pour le cinéma, c'est vrai que voilà, quand j'étais. Pendant 20 ans, j'ai en effet pratiqué le métier de comédienne. J'adorais ça et puis voilà, après j'y ai un petit peu moins cru et là, ce qui me plaît, c'est que du coup, je parle du travail des autres, je parle plus de moi et ça me va très bien en fait. Il y aura un palmarès, il y aura des... Ah oui, des... Ouais, voilà. Il y a un palmarès, il y a une remise de prix mardi soir qui est d'ailleurs complètement ouverte au public. Vous avez vu de belles choses déjà ? Ah bah oui, moi je fais partie aussi de l'équipe de programmation. D'accord. Il y a des perles, il y a des bijoux. Et on pourrait peut-être les voir sur TV5 Monde, parce que TV5 Monde diffuse des courts-métrages. TV5 Monde diffuse des courts-métrages. TV5 Monde est partenaire de Paris Court Devant et fait partie maintenant de nos partenaires historiques. D'ailleurs, hier, on avait une carte blanche TV5 Monde. Merci Nathalie Cooper. Et comme dit l'affiche du festival, tous les cours sont permis. Tous les cours sont permis, les très bons cours. Merci beaucoup. Merci à vous.